Alors bonjour, merci pour l'invitation à vous adresser. Je me trouve dans un embarras un peu particulier parce que il y a 3 ans, il y avait, je pense, au moins 3 ou 4 discours en anglais. Moi, je me trouve le seul à être à avoir mon titre annoncé, c'est un programme en anglais, mais on m'a suggéré que ce serait plus effectif, poli, de vous adresser dans mon français, qui évidemment n'est pas sans des difficultés, mais espérons. Alors voilà que je vous présente une image utilisant un caractère informatisé que j'ai pris, que j'ai volé, si vous voulez le dire, des caractères conçus pour imprimer le grand livre des médailles en 1702. Ce sont des caractères, soi-disant, romains du roi. Mais c'est la dernière fois que je vais utiliser ce caractère aujourd'hui. Mais vous voyez, voilà. Or, il faut que je m'habitue au clavier. Vous voulez une petite lumière? Vous voulez la lumière? Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je ne bouge pas, donc je vais... Essayer d'utiliser. Attendez. Ouais. C'est. Il faut cliquer sur l'image. Oui, et pour faire bouger le choc. Oui, celle-là. On va comme ça. Celle-là, là, non. Ah non, ça ne marche pas. Il faut cliquer sur ça. Vous l'avez mis sur diaporama. Je peux utiliser le souris. Oui. Sur slideshow. D'habitude en bas on a des flèches. Ben oui, il y a là. Je vois pas. Là. Attendez, est-ce que je peux agrandir? Non, c'est très grand, ça suffit, ça suffit. Il vous suffit avec votre souris de cliquer sur chaque image. Oui, mais je voudrais bien remplir l'écran, si possible. C'est vraiment, c'est ça, mais je cherche, on y voit très mal. Il faut le mettre sur là. Voilà. D'accord, c'est là. Vous cliquez là-dessus. Oui. Et après, vous l'avez encore. Voilà, merci. Et alors après, ça devrait marcher. Oui. Voilà. OK. Et là, bon, mais... Alors, merci. Je m'occupe surtout à des images. Donc, j'espère que mes mots, mes paroles ne sont pas si importants. Mais évidemment, on va commencer... avec la page de titre du grand livre que j'ai étudié beaucoup dans les dernières décennies. Or, il faut dire qu'il y a un changement depuis notre dernière rencontre, et c'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les formes, toutes les éditions du livre des médailles sont disponibles online. Et c'est un grand changement pour tous, je pense, très utile. Je ne veux pas lire des livres online, mais quand même, c'est très utile de les avoir facilement. Et aussi pour faire des comparaisons des textes et tous les détails comme ça. Au moins, je l'ai trouvé ainsi. Donc, nous avons 2 copies du un folio de 1702. Une des exemplaires à travers Gallica est d'une qualité que je trouve excellente. Comme vous le savez certainement, la qualité des images sur Gallica varie de temps en temps. Au moins, les médailles. C'est une édition très bien. Nous avons aussi l'un quarto, de 1702 et enfin la seconde édition, si on peut le dire, de 1723. Je vous montre cette image du catalogue de la BNF seulement, non pour lire, parce que c'est très, non, pas très facile à aborder, mais pour vous montrer que je suis très fier de me rendre compte que les gens de la BNF ont un peu accepté les travaux que j'ai déjà faits et citent mon étude dans un article dans le bulletin du bibliophile de 2008. Donc, c'est mon étude de base, si on peut le dire. Pour tous les détails, je vais vous montrer des images pour les montrer, mais si vous voulez faire des références, vous trouverez beaucoup de ces images imprimées dans le bulletin du bibliophile, dans cet article. Cette entrée de catalogue cite, par exemple, une découverte que je pense que j'ai pu faire, qu'il y a au moins trois variantes de la page du titre du livre, que vous voyez ici, à gauche, c'est l'exemplaire sur Gallica, une copie de la Bibliothèque de l'Arsenal, mais deux autres variantes portent deux lignes, ou par l'Académie royale des inscriptions et médailles, ou par l'Académie royale des médailles et des inscriptions. Et je ne suis pas réussi à déchiffrer ces variantes. Et franchement, je ne sais pas laquelle dans quel ordre chronologique il faut les porter. Bah, évidemment, il s'agit du même livre. On a beaucoup parlé, évidemment, hier, du soi-disant manuscrit de Londres. Donc, il s'agit vraiment d'un manuscrit qui, on ne sait pas exactement comment, se trouve au département des manuscrits du British Library à Londres, et qui porte les esquisses de Sébastien Leclerc et beaucoup de documents très importants dans l'histoire du livre dont nous occupons. Et l'étude classique, évidemment, c'est l'étude de Mlle Jacquiot, d'où j'ai pris cette image, et seulement pour vous rappeler que la qualité de ce document, voilà une de ces esquisses de Leclerc, exquise à mon avis, que j'ai pu copier d'après le livre de Jacquiot, parce que c'est strictement défendu de porter son appareil dans le département des manuscrits au British Library. Mais dans le département des imprimés, beaucoup a bien changé dans les dernières 5 années. Et je vais vous montrer des documents imprimés que j'ai pu porter directement. Seulement pour vous donner la possibilité de comparaison, vous voyez cette jeune fille qui a contribué à l'image que vous voyez sur la médaille sur l'établissement de Saint-Cyr. Je crois que c'est une une figure à droite qui ressemble beaucoup. Évidemment, ce sont des esquisses qu'elle a dû faire et puis porter dans l'image qu'on a fait. Mais le document, à mon avis, beaucoup plus important pour notre affaire, c'est bien ce que j'appelle album, c'est-à-dire une collection des planches gravées pour l'imprimerie royale. C'est un document qui, franchement, n'est pas inconnu, il faut le dire, parce que je l'ai trouvé dans un ouvrage bien connu en Angleterre, c'est-à-dire la bibliographie de Bigmore and Wyman, qui a été publié en 1880. Et vous voyez, ce sont des épreuves des planches gravées entre 1640 et 1789. On le décrit comme un livre immense. Et il faut le dire que c'est bien vrai. Voilà le livre qui consiste vraiment en 7 volumes. Vous voyez 6 de ces volumes, l'autre était devant moi quand j'ai fait cette photo. Une page de 55 centimètres d'auteur. Mais ce qui est extraordinaire est que ce document nous est parvenu parce qu'au cours de la guerre, Seconde Guerre mondiale, le British Library, ou le British Museum à cette époque, a été bombardé et ce livre a failli être détruit. En effet, c'était l'eau des pompiers qui a fait beaucoup plus de dégâts sur ce livre, mais on a réussi à le refaire. Et vous voyez la reliure nouvelle. Et ils ont conservé une petite partie de la reliure originale, montrant que c'est évidemment c'est un document relié pour l'imprimerie royale à la fin du XVIIIe siècle. Or, voilà la page de titre qui vraiment n'existe pas, parce que ce n'est pas un recueil tout à fait accompli, c'était en progrès, mais vraiment, il consiste à des empreintes, des planches originales faites pour cette maison. J'ai un peu l'impression qu'il y avait à la fin du XVIIIe siècle, on essayait de faire des catalogues de tout le matériel de l'imprimerie royale pour des buts qui ne sont pas très clairs, déchiffrés, mais c'est un peu pour rendre des comptes pour le peuple de cet établissement royal. Vous voyez qu'ils sont des cuivres appartenant tant au roi qu'au directeur. Donc, une ambiguïté de la propriété de ces planches. Alors, je cite quelques extraits du texte manuscrit de ce volume, donnant une idée de la difficulté de la tâche devant les gens qui ont compilé ce volume. Il a fallu feuilleter tous les livres imprimés au livre depuis plus de 240 ans. Donc, une tâche énorme pour identifier le but de ces planches. Mais ce que pour notre sujet de ce matin, la partie plus détaillée est la partie qui s'occupe des livres de médailles, les 2 éditions, les éditions in folio de 1702 et de 1723. Et il nous donne un vocabulaire peut-être un peu insolite, mais il y a 4 sortes de planches. Les bordures, on pourrait dire encadrement, c'est-à-dire il faut se rendre compte que toute page de ce livre porte des planches gravées. Puis les médailles, donc les têtes des médailles, le portrait du roi et le revers. Et enfin, au bas des pages, où il y a un espace à remplir, les fleurons. On pourrait dire cul de lampe, mais en effet, c'est un terme un peu vulgaire. Donc, fleurons, c'est le terme utilisé pour ce livre. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'ils ont fait, voilà, il a fallu faire des épreuves de toutes planches de ces milliers de planches. Et voilà des exemplaires des épreuves, des médailles. La qualité n'est pas très bonne, mais vous pouvez imaginer la grandeur de la tâche. Et voilà un fleuron, c'est-à-dire cette image pour remplir le vide après le texte, qui porte la date d'entrée au British Museum, le 7 juillet, je pense, de 1853. Le British Library n'a pas pu me renseigner sur la manière dans laquelle le livre est arrivé là-bas, mais vous savez qu'après la Révolution, il y avait un nombre énorme de livres d'origine un peu suspect qui sont arrivés sur le marché. Et évidemment, c'est le British Museum qui a acheté cette collection. Une découverte qui m'a énormément encouragé, c'était de l'information sur une planche qui peut-être vous connaissez parce que M. André Jam, au cours des années 60, a publié les planches préparées pour la, soi-disant, description des arts et métiers. On avait dessiné des caractères pour donner une idée de la manière de esquisser les caractères d'imprimerie. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'on avait imaginé un caractère d'imprimerie. Donc, M. Jam a trouvé à l'Imprimerie nationale les planches originales de ses dessins. Mais il y avait une planche un peu insolite parce qu'au lieu d'imaginer des caractères d'imprimerie, on avait proposé une planche portant non seulement les ornements, mais le texte. Et c'est M. Jam qui l'a imprimé en 1961 pour le frontispiece de son livre. Et voilà l'original. Voilà dans l'album du British Library une impression de cette planche, expérimentale évidemment. On se demandait est-ce que ce serait possible de tout imprimer à la fois. Le graveur aurait dû faire les ornements, les médailles et le texte sur chaque planche. Imaginez la tâche de faire un travail aussi minutieux chaque fois. Ils ont renoncé à cette idée. Mais et comme nous avons vu hier, c'est une idée qu'on a poursuivie pour des documents moins compliqués que celui-ci. Mais voilà dans l'album du British Library, cette planche tout à fait expérimentale auquel on a un peu renoncé. Mais ce qui m'a réjoui énormément, c'est que je me demandais au début de mes études combien de planches il y a pour les bordures. C'était des planches séparées. Et c'est une question qui est très difficile à déchiffrer parce que, évidemment, on gravait beaucoup de planches suivant un seul modèle, on peut dire, Ils étaient, pour les compilateurs de cet album, ils les nommaient espèces. Donc les espèces sont le même dessin, mais gravé plusieurs fois. Donc c'est la tâche d'identifier tous les espèces est très très difficile. J'ai essayé de faire des catalogues selon les motifs qui sont dessinés par Bérin pour les encadrements, les bordures. Et enfin, voilà, c'est le texte de l'album. Il y a 30 espèces différentes de bordures. Et si vous regardez le livre, les 24 premières s'étendent tout le long du livre. C'est-à-dire, on commence avec la planche 1, et puis 2, 3, 4, jusqu'à 30, et puis on va 24, et puis on recommence. Il faut le dire que c'est beaucoup plus compliqué ce qu'on a en effet fait. C'est vrai pour les 24 premières pages. Après, tout devient beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas vous ennuyer à raconter toutes les complexités parce que j'ai déjà publié dans mes articles, etc., ce que j'ai trouvé. Mais voilà le texte de ce personnage. On ne connaît pas le nom qui a examiné toutes ces planches qu'il avait devant lui. Il a fait ce compte. En effet, pour identifier les planches, il dit qu'on a mis une lettre de l'alphabet sur le revers de chaque planche en cuivre. Donc, vous avez dans ce document, vous avez une planche assez compliquée. Je vous assure que vous le trouverez dans mon article dans le bulletin du bibliophile. Donc, ce n'est pas le cas de voir la copier. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de planches pour les quatre premières planches, espèces, il y a déjà 16 planches, donc quatre planches suivant le même dessin. Et si vous regardez au revers des planches, vous trouverez une identification, c'est la septième planche portant l'identification R. Peut-être à ce point, je devrais dire combien de ces planches sont survécues. Il faut le dire qu'on a évidemment on a détruit une grande partie de cette collection, mais on a tâché de conserver à l'Imprimerie nationale au moins une planche de chaque dessin. Au moins, c'est je le trouve réassurant parce que nous avons donc en principe au moins une de ces planches. Mais voilà le sommaire des planches. Vous voyez que c'est presque 1200 planches qu'on a gravées pour ce seul livre. Ou pour les deux éditions, parce que vous avez, naturellement, vous avez les têtes et les revers des médailles pour l'édition in folio, et puis les têtes de l'édition d'un quarto et les revers, donc les deux séries. Mais aussi les bordures, vous voyez qu'il y a 147 bordures, c'est-à-dire il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de répétitions du dessin. Alors, les fleurons, on va commencer à regarder l'utilisation de ces fleurons qui sont conçus seulement pour remplir le vide après le texte, si le texte ne remplit toute la page. Et voilà, c'est assez compliqué, il faut le dire. Et donc, mais il donne l'information assez importante. Il y a 20 espèces de fleurons. Donc, c'est un soulagement de n'avoir pas identifié chaque de ces planches. Et voilà une page du livre du British Library montrant, il faut le dire, 19 de ces 20 fleurons, parce qu'à gauche, vous voyez qu'une petite planche manque. Et voilà qu'à l'Imprimerie nationale, on a gardé des épreuves non datables, mais je pense qu'il faut que ce soit au commencement du 19e siècle, où vous voyez les 6 fleurons. Ne regardez pas l'exemple en bas, mais ces 6 planches représentent le même dessin, la même espèce de dessin pour mettre au bas des pages. Il faut le dire qu'on a perdu 5 de ces planches. On les a jetées, on a réutilisées parce qu'il s'agit d'une cuivre d'une très bonne qualité, capable d'être réutilisée, mais on a conservé au moins une copie. Et voilà une collection à l'Imprimerie nationale, c'est-à-dire dans l'atelier du livre d'art qui existe aujourd'hui à Douai. Donc, c'est la section de handcraft, hand press work de l'Imprimerie nationale. Et puis les bordures, les encadrements. Et voilà cette information que je vous ai proposée. Il y a 30 espèces. En effet, il y a plus, mais ce sont les bordures normales pour l'encadrement des pages. Et voilà une épreuve de l'Imprimerie nationale. C'est la première page. On a gardé au moins une de ces planches. C'est la planche de la page 1 du livre. Et voilà l'original dans les médailles. Donc, c'est la feuille numéro 1. J'ai pensé un peu si je devrais examiner l'ouvrage de Bérin qui a dessiné ces soi-disant grotesques. Et franchement, ils sont... comme ils sont tous disponibles à vous online. Et je ne suis pas un historien d'art, ce n'est pas ma tâche de les décrire, mais vous savez sûrement, vous qui connaissez le livre, qu'il s'agit des éléments qui se répètent un peu sur chaque planche. En tête, vous avez les initiales du roi, la couronne, en bas, une autre symbole de la monarchie et les armes de la France, et puis des éléments militaires, etc. Donc, que Bérin a su unifier sur chaque page. Et puis, sur la même page, cette image est tirée directement du livre des médailles, un fleuron pour vous montrer la qualité de cet élément quand la qualité de l'impression est bonne. Voilà la même page. Un catalogue de ces ouvrages serait utile. Je vous propose un livre qui n'existe pas, ou au moins, parce que je l'ai porté, une copie, existe en 2 copies seulement, mais je l'ai digitalisé et peut-être que je vais le lancer dans ce format qu'on peut mettre en ligne. Je ne décide pas, mais... d'après l'information que j'ai pu avoir du British Library, j'ai pu faire ce catalogue. Donc, dans une certaine manière. C'est un ouvrage qui existe. Il y a un mystère, si on peut le dire, à propos de la préface, parce que beaucoup de copies portent la préface, la majorité ne porte pas la préface qui a été conçue et écrite par Dallemant et ses collègues. Et pourquoi? On dit qu'il a été supprimé. Or, combien de copies portent la préface? J'ai fait un census des copies, des médailles auxquelles j'ai pu m'aborder ou en personne ou en avoir l'information fiable des personnes, des conservateurs de bibliothèques qui ont très gentiment répondu à un questionnaire. Et donc, j'ai des détails de 44 des copies que j'ai identifiées, que j'ai localisées. Et seulement 16 de ces 44 portent la préface. Or, c'est une quantité qui m'a un peu impressionné parce qu'on dit qu'on a supprimé cette préface. Ce n'est pas exactement vrai parce qu'on peut le trouver, mais ce n'est pas facile à savoir, même d'après les catalogues des bibliothèques, si une telle copie porte la préface. Et beaucoup de copies, comme vous voyez, 8 copies portent la préface, mais écrites à main. Donc c'est compliqué. Or, aujourd'hui, nous avons tous le droit de lire cette préface parce que la copie digitalisée par Gallica, la copie de la bibliothèque de l'Arsenal, porte la préface. Donc, la voilà. Et puis, il y a une question. Pourquoi a-t-on supprimé cette préface? Pourquoi cet déplaisir au roi? Et on dit, je vais vous montrer les citations, c'est que la préface parle trop des artistes qui ont contribué. Mais en effet, c'est un peu injuste. Voilà le dernier paragraphe du livre. Franchement, on nomme presque tous les artistes, évidemment. On nomme l'imprimeur Anisson, on nomme même les caractères au fond. Les caractères d'imprimerie nouveaux, dessinés, gravés, fondus par le sieur Grandjean. Mais ce n'est qu'un paragraphe dans une préface de 12 à 13 pages. Or, au XVIIIe siècle, c'est l'historien anglais qui a dit, qui a raconté cette idée que le roi dit fort sagement que c'était son histoire qu'il avait ordonné de faire, non celle des graveurs. Et pour cette raison, elle a été offensée. Et comme l'anglais dit, certains qui auraient voulu ajouter cette préface l'ont fait copier. C'est vrai. Or, l'autre idée, c'est que peut-être il y a personne qui croit que c'est à cause des louanges outrées qu'on y donne à Louis XIV. Well, moi, je ne crois pas à cette explication. Et enfin, c'est Giacchio, Mlle Giacchio, qui a rejeté ces arguments. Elle a dit seulement qu'il s'agissait seulement des erreurs historiques qu'on avait bien trouvées dans l'ouvrage. Et vous savez certainement qu'on a dû un peu accélérer le progrès de l'impression et on avait laissé des erreurs qu'on a trouvé depuis l'édition du texte. pour vous montrer, peut-être pour vous avertir, j'ai montré le texte original, mais il y a des contrefaçons. Voilà le commencement de la préface dans une copie du texte de 1723 qu'on trouve en deux copies, à savoir. Ce ne sont pas les caractères faits pour l'imprimerie royale, c'est un caractère du 15e siècle, excusez-moi, 16e siècle, de Garamond. Donc c'est une contrefaçon, c'est pour avertir que même si vous trouvez une préface imprimée, ce n'est pas forcément l'original genuine. Et puis, dans une seule copie, il fallait aller à la bibliothèque de Fontainebleau pour trouver cet exemplaire. Le livre, vraiment, c'est le livre de 1702, mais la préface, c'est une autre contrefaçon. Et donc, approcher ces préfaces avec une certaine caution. Et pour vous donner une idée de ce caractère, je me suis promis de ne pas donner trop d'attention au caractère, mais combien de minutes? Combien, Monsieur le Scoutoff, combien de minutes avons-nous? Oui, j'ai... On est arrivé à 40. J'ai 3 minutes. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, pour vous, seulement, la seule image que je vais vous donner des caractères gravés par Grandjean, c'est le caractère gravé pour la préface. On a fait des découvertes tardives, par exemple, de l'État-Uni, on a tiré mon attention sur les listes de fautes d'impression. Et il faut dire, il y a deux variantes, peut-être plus, mais il faut regarder toutes les copies. Examinant les fautes d'impression, ce serait possiblement un moyen de ranger les copies dans un ordre chronologique. Mais la chose plus importante, je n'ose pas prendre trop de temps pour l'examiner, mais il y a beaucoup de variantes non publiées, mais peut-être faites pour des collectionneurs. Par exemple, cette impression d'une page avec ce joli encadrement en rouge. Évidemment, c'est expérimental. Je ne connais pas de copie qui porte ces variantes de couleurs. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils sont signés, c'est-à-dire que le graveur, Simoneau, a bien pu mettre son nom, Ludovicus Simoneau, en bas à cette page. Parce que ce qu'on a fait, et peut-être il y a un lien entre la suppression du préface l'état des planches. Les épreuves expérimentales à gauche portent les noms de l'artiste et du graveur. Dans le livre, on a éliminé les signatures. Je vous assure, il s'agit ici c'est la même planche, le même métal, mais en bas, on a éliminé, érasé le nom de l'artiste. Est-ce que c'est un peu cette idée du roi d'être un peu ennuyé de voir tant de noms des artistes? Je pense que c'est bien possible. Il me manque des épreuves. Mais si vous examinez le livre directement, en bas à gauche, vous voyez que les planches, toutes les planches ont été taillées. Ils portaient avant des marges Mais on a éliminé ces marges, on a taillé la cuivre. Et l'effet est très étrange parce que je vous ai montré la signature de l'artiste, du graveur Simoneau, en bas sur la page de titre. On a éliminé le métal, peut-être pour éliminer le nombre de graveurs. Mais si c'est vrai, ça n'a pas réussi parce que si on regarde l'édition de 1723, vous voyez que Simoneau a bien pu refaire son nom à la fin de la page, après la mort du... Et puis, il y a d'autres exemples. J'ai un peu publié des exemples dans le bulletin du bibliophile, mais voilà une planche où on a cherché à tailler le métal et on n'a pas réussi à éliminer la signature. On le voit à moitié. Et puis, voilà un joli exemple où Simoneau a réussi à refaire son signature dans l'encadrement. Ça marchait bien. On l'a laissé. Oh, c'est ce qui est curieux et que, évidemment, sur la page de titre du volume, cette jolie gravure de Leclerc porte encore son nom. Et évidemment, les médailles aussi, le nom du graveur des coins des médailles a résisté. Donc, bon, je vais terminer assez rapidement. J'ai pensé donner des détails de l'ouvrage de l'artiste Perrin, mais non, franchement, ce n'est pas ma tâche, mais ça vaut bien la peine de le faire. Seulement que c'est un homme si connu, mais ce qui m'intéresse un peu, c'est ce qu'il a fait pour les bateaux de la flotte royale. Vous voyez en bas le nom de Perrin. Donc, il a dessiné les ornements des grands bateaux de guerre. Et puis, il y a ce document qu'on trouve à la Bibliothèque nationale de France où la bordure est bien pareille aux ornements qu'il a fait pour les médailles. Je ne connais pas exactement l'histoire de ces ornements. Mais j'ai voulu tout rapidement vous dire un petit mot de Simoneau. C'était le graveur non seulement de beaucoup des planches pour les médailles, mais aussi pour cette grande description des arts et métiers qu'on préparait dans la même décennie. Donc il a fait... Voilà les ornements qu'il a, des planches qu'il a fait pour l'ouvrage publié par Jam. Voilà une planche qu'on n'a jamais publiée parce qu'on a décrit l'imprimerie. Ici, vous voyez le moyen d'insérer les pages sur la presse. C'est un document inédit. Assez joli, je pense. Ok. Et puis, il a bien gravé les instruments pour la fonderie de caractère. Et c'est la seule planche qui a résisté, que nous avons encore en métal. C'est au Newbery Library de Chicago. Donc, la planche qui est échappée. Voilà le texte original que j'ai bien publié moi-même il y a deux années. Or, pour conclure, il y a tant d'images, beaucoup desquelles j'ai imprimées, une très jolie atelier de fondeur de caractère qu'on a gravé en un peu fait un ouvrage un peu plus détaillé. Je ne vais pas Or, pour conclure, vraiment. On a fait une presse pour les planches, en fer fondu. C'est la première fois qu'on ait fait une chose comme ça. C'est probablement le dessin du père Truchet qui est aussi un peu le dessinateur des caractères. C'est une planche très très rare. Je connais deux copies. Comment, et ce, je vous assure que c'est important, comment a-t-on pu imprimer quatre planches ensemble? Et pareil que c'est exactement ce qu'on a fait. On met les planches ancrées ensemble, on a tiré par la presse les quatre planches, les deux médailles, et ici vous avez le fleuron, et vous voyez que l'impression du fleuron est très très forte. Il a fallu ajouter une toile de laine pour égaliser l'impression. Et vous pouvez voir une impression qui n'a pas marché, où la planche du tête du roi a un peu bougé et a empêché de voir l'autre planche de l'encadrement. Voilà. C'est une copie qui n'aurait pas dû être publiée, mais quelqu'un l'a bien fauché dans l'imprimeur. Il y a le papier qu'il faut qu'on étudie, ce n'est pas ma tâche. Et puis, la reliure, faut dire, c'est ma copie à moi dans le relieur de Vaux, bon marché, il faut le dire. Et pour vraiment presque conclure, voilà la copie de l'arsenal dans le marocain rouge, le relieur plus splendide. Et voilà c'est ma photographie que j'ai fait directement de cette copie. Et pour vous assurer que les caractères dont je ne vais pas parler, si cela vous intéresse, on a bien imprimé tout ce spécimen de caractères qui est très très rare. Deux copies seulement connues, mais dans le catalogue que nous avons fait en 2002, on a reproduit ce spécimen de caractère. Et je vous assure que ce catalogue est disponible au musée de l'imprimerie à Lyon. Voilà ma tâche accomplie, mais il existe beaucoup d'autres albums un peu partout, à la BNF, que j'ai décrit dans mon article, et voilà au musée de l'imprimerie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai fini. Merci.